Hygiène de vie, beauté, santé, c'est le mot d'ordre respecté. De ta vie, tu dois te soucier, ne pas gâcher ton capital santé. Tous ces préceptes que tu suis, peut-être que tu auras gagné ton ticket pour l'immortalité. C'est la prière du Arco, on la pratique tous les midis. Il est bon ton, avant de manger, de citer les fibres variées que contiennent ces délicieux mets. Et toi là-bas, oui toi, je t'ai vu, tu es de mauvaise foi. Tu fais semblant que ça ne change rien. Alors comme ça, tu ne veux pas jouer au grand jeu, gagner des années. Oh oui, tu peux faire l'insouciant. Bientôt, tu t'en mordras les doigts. Et avec nous, tu mangeras. Avec nous, tu feras la prière du haricot.